les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. L'idée que l'histoire est vouée à l'exactitude de l'archive et la philosophie à l'architecture des idées nous paraît une fadaise. Nous ne travaillons pas ainsi. Ainsi s'ouvrait la présentation d'un livre paru en 1982 intitulé « Le désordre des familles ». Il avait été écrit par une historienne, Arlette Farge, et un philosophe, Michel Foucault, et démontrait à lui seul que cette opposition courante et pourtant caricaturale entre histoire et philosophie ne tenait pas la route. Chacun d'entre eux avait, dans le cadre de recherches précédentes, portant sur la vie de la rue au XVIIIe siècle pour la première et sur les procédures de l'enfermement administratif du XVIIe au XVIIIe siècle pour le second, eu à manipuler cet ensemble que l'on appelle les archives de la Bastille, déposé à la bibliothèque de l'Arsenal et qui contient pour l'essentiel des dossiers contenant des affaires de police. Parmi eux, un grand nombre de lettres de cachet et plus précisément des suppliques adressées au lieutenant de police ou à la maison du roi pour obtenir un ordre d'enfermement. Dans un très grand nombre de cas, et contrairement à une idée reçue, ces demandes étaient formulées concernant des affaires de famille privées et émanaient de milieux modestes. Qu'est-ce que l'étude de ces dossiers révélait des passions du peuple au XVIIIe siècle? Que nous apprenait-il de la vie privée des familles, de leur rapport au pouvoir monarchique ou encore de la pratique de l'enfermement sous l'Ancien Régime? Et de quel ordre le désordre dénoncé dans ces dossiers était-il l'envers? Le 10 janvier 1983, Roger Chartier recevait Arlette Farge, Michel Foucault ainsi que Michel Perrault et André Bégin pour discuter de ces questions dans les lundis de l'Histoire. Pour commencer l'émission de ce matin, je vous propose d'entendre deux suppliques. Elles datent toutes deux de 1728 et appartiennent aux archives de la Bastille, aujourd'hui consultables à la bibliothèque de l'Arsenal. Toutes deux sont adressées à Monseigneur le lieutenant général de police de Paris. La première dit les peines et les craintes d'un père et d'une mère. À Monseigneur le lieutenant général de police. Supplie très humblement Jean-Jacques Cailly, avocat au Parlement, et Marie-Madeleine Dupois, sa femme, disent que Marc-René Cailly, leur fils, âgé de 21 ans, oubliant la bonne éducation qu'ils lui ont donnée, ne fréquente que des femmes prostituées et des gens de mauvaise vie, avec lesquels il s'est livré à une débauche si outrée qu'il est à craindre que les suites ne lui en soient funestes. C'est pour les prévenir que les suppliants, après avoir inutilement employé leurs remontrances pour engager leur fils à rentrer dans son devoir et à mener une vie plus réglée, ont recours à l'autorité de monsieur. Se considérer, monsieur, il vous plaise, ordonner que Marc-René Cailly, fils des suppliants, sera conduit dans la maison des révérends pères de Saint-Lazare pour y être détenu en correction jusqu'à ce qu'il ait donné des marques de repentir. Aux offres que font les suppliants de payer sa pension, c'est la grâce qu'ils espèrent de la justice de monsieur qui ne peut être exaucée dans une occasion plus juste et plus nécessaire. Seconde demande, elle émane de l'épouse d'un cordonnier, lasse des déportements de son mari. À Monseigneur le lieutenant général de police. Monseigneur, Marguerite Lemaire, femme de Vincent Croiseau, cordonnier, demeurant rue des Canettes, paroisse de la Madeleine, en la cité, remontre très humblement à votre grandeur qu'il y a 17 ans ou environ, qu'elle a épousé le nommé Croiseau, et lequel, après avoir passé quelque temps pendant son mariage à vivre tranquillement, n'a pu s'empêcher de faire connaître ses débauches, ses jurements et blasphèmes, ce qui a donné lieu à la suppliante d'avoir recours à tous les parents, tant de son côté que du sien, pour prouver la vérité, et demander à Monseigneur, après être éclairci des faits commis par le dit Croiseau, que la suppliante en donne preuve par les sous-signés, ordonner ce qu'elle juge à propos. Ce sera le moyen de la mettre en état de faire son salut et purger le public d'un homme qui ne cherche qu'à faire affront à sa famille par une fin honteuse. la suppliante continuera ses vœux et prières pour la santé et prospérité de votre grandeur. Les sous-signés qu'annonce Marguerite Lemaire sont au nombre de 3, le curé de Sainte-Madeleine, la paroisse où elle habite, et 2 des frères de Vincent Croizot. Il déclare « Je certifie la vérité des faits énoncés dans le placet ci-dessus et que le dit Croizot est un très mauvais sujet qui mérite d'être enfermé pour n'être plus en occasion de continuer son libertinage. » 2 placets, donc, 2 conflits familiaux, 2 demandes d'internement qui disent chacun une histoire unique. Et pourtant, ces textes appartiennent à une série où ils se rencontrent par centaines. C'est cette série qui fonde le livre que viennent de publier Arlette Farge et Michel Foucault sous le titre « Le désordre des familles, lettres de cachet des archives de la Bastille au XVIIIe siècle ». Cet ouvrage est le 91e de la collection Archives, publié par Gallimard et Julliard, et il respecte les règles du genre, proposant au lecteur de se confronter à son tour avec les documents d'archives déchiffrés et étudiés par les auteurs. Avec Arlette Farge et Michel Foucault, nous tenterons ce matin de mieux comprendre les motivations, les mécanismes, les significations de ces demandes d'internement émanées du cœur même des familles. Très librement, nous pourrons débattre des différents thèmes qui construisent le livre et qui soulignent d'abord l'originalité d'une procédure qui échappe à la justice ordinaire, ensuite la nature même des conflits entre maris et femmes, entre parents et enfants qu'elle entend résoudre, enfin, l'importance de l'internement sur ordre du roi dans une histoire longue de la pénalité judiciaire. Pour débattre avec Arlette Farge et Michel Foucault, 2 invités ce matin qui nous aideront à lire le livre dans une plus longue durée, une historienne du XIXe siècle, Michel Perrault, qui, je le rappelle, avait rassemblé tout un ensemble de matériaux, dont plusieurs contributions de Michel Foucault sur le système pénitentiaire dans un ouvrage collectif, publié il y a 2 ans sous le titre « L'impossible prison », publié au Seuil, et second invité, un sociologue, André Bégin, qui vient de réunir avec Philippe Ariès un ensemble d'études sur le mariage, l'érotisme, l'homosexualité dans un numéro spécial de la revue Communication. Il s'agit du numéro 35, publié en 1982 sous le titre « Sexualités occidentales, contribution à l'histoire et à la sociologie de la sexualité ». Je crois, Arlette Farge et Michel Foucault, qu'au départ du livre, comme je l'ai dit et comme on l'a entendu, il y a une série d'archives. Est-ce que vous pouvez dire comment s'est faite cette double rencontre avec ce matériau des anciennes archives de la Bastille, maintenant consultable et déposé à l'Arsenal ? Je crois d'abord que c'est une rencontre un petit peu extraordinaire avec ce matériau-là parce que les lettres de cachet dans l'opinion publique, enfin dans les idées reçues, c'est d'abord une façon de faire enfermer les grands du royaume. Et je crois que au départ, presque tout le monde pense que c'est une façon, en fait, pour le roi de se débarrasser de ceux qui l'entourent, enfin des princes. Et en fait, justement, ce qui était saisissant dans le matériau qui est énorme, en fait, qui est conservé à la bibliothèque de l'Arsenal, c'était de voir à quel point le nombre des grands embastillés est infime et qu'en fait sont là livrées des affaires de police de toutes sortes, qui ne concernent d'ailleurs pas que les demandes d'enfermement de famille sur lesquelles nous avons travaillé, mais qui sont tout un ensemble de textes qui concernent d'une part une partie de la population tout à fait pauvre ou faisant partie des couches sociales défavorisées et qui concernent toutes sortes d'affaires. Concernent aussi bien une grève d'ouvriers par exemple, bon, dont le meneur sera conduit en prison au moyen de la lettre de cachet, que des affaires de police complètement mineures comme la fraude sur le pont Neuf, etc. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'au départ, on ne savait pas et qui était très intéressant. Là, vous avez choisi, dans ce matériau, des séries particulières. Ce sont celles qui concernent 2 types de conflits familiaux. Oui, on a choisi, dans ce matériel qui est énorme, on a choisi ces 2 séries pour un certain nombre de raisons. La première était que c'était au fond là que se trouvait le point de convergence entre les travaux d'Arlette Farge et puis le connaissance que j'avais pu avoir de ce matériel depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Ce qui m'avait frappé, que lorsque, à la fin des années 50, début des années 60, j'ai travaillé sur ce matériel à propos de l'histoire de la folie, ce qui m'avait frappé, c'était la chose que vient d'énoncer Arlette Farge, à savoir que la lettre de cachet est une pratique populaire. est une pratique populaire en deux sens. D'abord parce que ce sont surtout dans les milieux populaires qu'on voit ce mécanisme jouer, et d'autre part parce que c'est la lettre de cachet est demandée d'en bas. C'est un processus qui va de bas en haut. On demande une lettre de cachet au roi pour régler un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes de famille, des problèmes de voisinage, des problèmes d'entourage, des problèmes de travail aussi. Et puis, une seconde chose m'avait frappé, c'était l'extraordinaire beauté de ces textes. Extraordinaire beauté parce que, d'une part, bien sûr, on y voit des conflits, des problèmes, des angoisses, on y voit des colères, on y voit des émotions, et il est finalement assez rare de voir la dimension de l'émotion se traduire immédiatement dans des textes. Ce sont les haines familiales, ce sont les rancœurs, ce sont les jalousies, ce sont les peurs, ce sont les angoisses. Et d'autre part, ces documents montrent un très curieux, juxtaposition, un disparate de langage, dans la mesure où les gens font passer dans ces demandes de lettres de cachet leur propre langage. Ils disent leurs émotions dans leur langage, mais il y avait toujours derrière eux un écrivain, enfin il y avait souvent derrière eux un écrivain public ou quelqu'un en tout cas qui les aidait à rédiger et qui le rédigeait dans ce style administratif, emphatique, superbe et drapé de l'époque. Et je crois que le contraste entre la lettre de l'avocat ou du couple d'avocats qui est visiblement autographe et qui coule dans un style moins révérencieux, et puis cette lettre de cette femme de cordonnier qui peut-être a eu recours à l'écrivain public et qui est plus chaotique avec un rapport à l'oral qui est plus direct, manifeste que... Il y a une diversité de mise en scène finalement. Oui. Oui, surtout que la lettre elle-même, quand on s'adresse à l'écrivain public, elle bascule complètement. C'est-à-dire la formule du départ et celle de la fin sont des formules stéréotypées, superbes. Et puis alors au milieu, une espèce de chaos, de verbal et d'oral, d'injures, et puis d'émotions, je crois. Et ça, c'est le mélange des deux qui est Michel Perrault. Oui, moi j'aurais quelques questions là à vous poser. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on a occulté, comme on dit maintenant, cet aspect fondamental des lettres de cachet pour ne les voir que dans un rapport du roi à ces sujets? Qu'est-ce que ça pourrait révéler sur notre historiographie? Ça serait en effet une étude intéressante. Je crois que le point de départ a été le fait que, contre cette pratique des lettres de cachet, les critiques au XVIIIe siècle, et surtout à la veille de la Révolution, ont surtout été le fait, soit des grands, soit des parlementaires, qui, en tant que professionnels de la justice, voyaient d'un très mauvais œil ces pratiques qui contournaient leur propre autorité. Alors, on a eu une critique par en haut, il y a eu en effet tout de même quelques grands qui ont été enfermés dans lettres de cachet et qui ont donc protesté bruyamment. Et puis, il y avait donc ces professionnels de justice. Ça a été le chose. Alors, ensuite, il faudrait regarder dans toute l'historiographie française du XIXe siècle concernant la monarchie, les abus de la monarchie, comment et pourquoi on a toujours voulu associer la lettre de cachet à l'arbitraire du roi et à ses interventions autoritaires sur le corps social. Ce qui a fait qu'on a totalement occulté le fait que la lettre de cachet était le produit d'une demande sociale. Enfin, du produit. Était animée, en tout cas, soutenue, elle a vécu pendant si longtemps, parce qu'il y avait une forte demande sociale là-bas. Est-ce qu'on sait quand ça a commencé massivement, ce recours, cette demande sociale? Et est-ce qu'on sait si le XVIIIe siècle représente une phase de croissance, une phase privilégiée? Et qu'est-ce que ça pourrait signifier dans le long terme? Là, je vais juste faire un début de réponse, et je crois qu'Arlette Farge aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Premièrement, la pratique des lettres de cachet commence de façon massive, évidemment, avec l'instauration du lieutenant de police. Deuxièmement, dans la fin du XVIIIe siècle, la fin du XVIIe siècle, début encore du XVIIIe, les documents qui nous sont restés dans ce domaine-là concernent surtout les affaires politiques et religieuses. Beaucoup d'affaires d'espionnage aussi. Les affaires Port-Royal, les affaires Saint-Médard, etc. Tout ça occupe l'essentiel des dossiers qu'on a pour la fin du règne de Louis XIV. Et puis, c'est à partir de... Mais là, je cède la parole. Non, enfin, en ce qui concerne les demandes d'enfermement de famille, c'est vraiment au milieu du XVIIIe siècle qu'il semble qu'il y en ait le plus, enfin 1730, 1760. Mais il y a un effet de la conservation, c'est-à-dire qu'on n'en trouve plus après 1760, non pas parce qu'il n'y en aurait plus, mais parce qu'il n'y a pas de conservation à la bibliothèque de l'Arsenal après 1760. Par contre, on sait très bien, parce que par les mémoires du lieutenant général de police Lenoir, qui sont conservées à la bibliothèque d'Orléans, on sait très très bien que Lenoir en a fait une pratique absolument courante, parce qu'il a été un des lieutenants généraux les plus persuadés, en fait, que la famille était justement le lieu privilégié où la tranquillité privée fabriquait une certaine forme d'ordre public. Et là, en fait, je crois que c'est... Oui, il le dit. Il le dit dans ses mémoires rédigées après la Révolution. Il le dit en 1804-1808, enfin, quand il rédige des mémoires qui ne sont jamais été éditées. Et en fait, puisque le noir, c'est quand même le dernier quart du XVIIIe siècle, nous n'avons pas toutes ces demandes d'enfermement de famille. Elles ne sont pas à l'arsenal, alors que là, il y a eu une profusion intense, puis un tarissement quand même à partir des années 1780. Et là, on le voit par un autre système d'archives, qui sont les archives des commissaires de police, où on voit une saturation des commissaires de police devant ce travail absolument démentiel. Mais on y reviendra, parce qu'on va parler de la façon dont ça se déroulait exactement. Et une saturation aussi alors des grands, une saturation des parlementaires et une saturation de l'opinion publique aussi massivement. Alors il y a une espèce de mouvement très fort vers la fin du 18e qui annonce la chute de cette pratique. Oui, d'ailleurs, c'est cette chronologie qui a guidé le choix que vous avez fait d'étudier de manière systématique, exhaustive, deux corpus, l'année 1728, où il y a 168 demandes, et puis l'année 1758, où il y en a 74, en éclairant aussi par l'année qui suit et l'année qui précède. Et ce qui, je crois, est aussi intéressant à dire pour les auditeurs, futurs lecteurs, c'est que dans le livre, vous publiez 93 dossiers en entier. Et je disais tout à l'heure que le livre respectait le genre de la collection, mais là, il va même au-delà, puisque les textes sont donnés tels qu'ils sont, l'ensemble du dossier, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de fragmentation, et donc chacun peut confronter sa lecture avec la vôtre et aussi inventer l'histoire de ses vies dont on a donné quelques traces. Un point sur le fait qu'il s'agit d'une pratique populaire, est-ce que ça tiendrait au milieu parisien? Parce que je me souviens d'un article qu'avait fait un collègue de Provence, qui s'appelle Emmanueli, dans la revue historique, où il montrait qu'en Provence, la pratique descendait socialement moins bas, disons, les mécanismes étaient semblables, sauf qu'on ne s'adressait pas au lieutenant général de police, mais on s'adressait au gouverneur, à l'intendant, mais qu'il y avait une pratique socialement moins diffuse. Est-ce que c'est le milieu de la grande ville, avec un stock d'informations plus fort, une alphabétisation ou un rapport à la culture écrite, donc un parti à la culture politique plus grand? Est-ce que ça joue ou est-ce que vous pensez que le cas parisien serait plutôt utopique et que ce serait la Provence qui pourrait représenter une exception? Moi je pense, par les travaux aussi de Nicole Castan sur le Languedoc, je pense que la procédure a une grande signification. Parce que, par exemple, dans le Languedoc, c'est à l'autorité militaire qu'on demande les demandes d'enfermement de famille, elle le précise. Bon. Et je crois que le fait que ce soit ici le lieutenant général de police, et que depuis 1667, depuis qu'il y a lieutenant général de police à Paris, c'est une personne, en même temps que les commissaires, ce sont des personnes très très proche du milieu populaire, très crainte, mais dans un double jeu ambivalent et ambigu de protection, de réassurance et de crainte. Et je crois que le fait que ce soit un lieutenant général, le lieutenant général de police qu'on passe, c'est ce qui donne peut-être la dimension populaire. Je me trompe peut-être sur cette interprétation, mais je crois que la police a un rôle avec le peuple beaucoup plus complexe qu'on ne le croit au premier abord. Et puis la police est tout de même une institution essentiellement urbaine, en plus. À fonction urbaine, et il est vraisemblable que les conflits de famille dans le milieu rural se réglaient tout autrement. Coup de fourche, éventuellement. Alors, est-ce qu'on peut dire justement un mot de cette procédure, puisque c'est elle qui laisse une sorte de sédimentation d'archives que l'on retrouve dans les dossiers, pas toujours complète, puisque certains dossiers sont beaucoup plus riches, beaucoup plus nourris, d'autres limités quasiment à la supplique. Est-ce que vous pouvez situer quand même comment ça se passait, finalement, quand quelqu'un voulait, un père ou une femme, se plaindre de qui de leur fils et qui de son mari? Oui, la procédure est relativement simple, c'est-à-dire qu'il y a au début départ se plaçait, dont on a fait lecture, et qui est donc une supplique au lieutenant général de police. À partir de ce moment-là, le lieutenant général de police demande une enquête qui, alors là, c'est très flou, mais c'est tout à fait parce que la police du 18e fonctionne comme ça. Cette enquête, ça sera soit le commissaire de police, soit l'inspecteur, et ça, on ne sait pas vraiment pourquoi, qui va la poursuivre. Il y en a un par quartier, un de chaque. Alors, il y a 48 commissaires à Paris, et il y a 20 inspecteurs, il y en a moins. Bon, et alors les inspecteurs de police vont faire en fait ce qu'ils appellent des éclaircissements, et qui sont, je crois, très obscurs. C'est-à-dire, c'est une enquête assez rapide dans le voisinage, il n'y a pas de règle pour ces éclaircissements. C'est-à-dire que il y a là, il convoque un voisin, un frère, bon. Et à partir de là, l'enquête est donnée au lieutenant général de police qui va statuer. C'est-à-dire, on va considérer que effectivement la personne qui est suspecte peut être conduite en prison ou non. Et l'ordre, la lettre de cachet suit, signée du roi. Alors à partir de ce moment-là, s'il y a enfermement, c'est une longue histoire. C'est-à-dire que là, ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que on a, et les dossiers qui sont publiés là le montrent bien, je crois, il y a toute une histoire à partir de l'enfermement. C'est-à-dire qu'il y a d'une part des correspondances qui restent entre les membres de la famille, ceux qui sont en dehors de la prison et ceux qui sont à l'intérieur, qui demandent de sortir. Et puis il y a aussi d'autres enquêtes qui se font, soit effectivement des témoignages supplémentaires du curé ou des témoignages des voisins. Et il y a là toute une histoire qui se poursuit sur un temps relativement long, un ou deux ans quelquefois. Donc c'est une procédure en fait assez longue. Et puis qui peut révéler des coups de théâtre là, c'est-à-dire qu'on voit des dossiers, il y en a plusieurs dans le livre qui se retournent, c'est-à-dire que l'accusé devient à son tour accusateur et le fils indigne devient en fait l'accusateur de parents. Oui, mais c'est là que je voudrais préciser que c'était... quand on prend les textes, évidemment, on s'aperçoit que on ne peut pas toujours les prendre comme ça pour la vérité. Bien sûr, il fallait travailler sur le matériau autrement, parce que, bien sûr, avec les retournements de situation, on s'aperçoit qu'en fait, ce qui est demandé au départ n'est pas toujours le lieu de la vérité. Est-ce qu'on entend beaucoup l'accusé? Pas beaucoup dans ces dossiers-là. C'était vraiment des enquêtes qui étaient faites sur les gens, à la demande de leur entourage, et ils ne parlent guère que dans deux circonstances, ou bien lorsqu'ils essaient de retourner la situation en expliquant que, en fait, s'ils sont poursuivis, enfin, si, par exemple, leurs parents demandent leur internement, c'est, par exemple, que pour une affaire d'héritage, les parents ont voulu les escroquer. Ça arrive souvent, par exemple, lorsque un des deux parents est mort et que celui qui survit et qui, souvent, s'est remarié, demande l'internement de l'enfant du premier lit. Alors, à ce moment-là, l'enfant du premier lit fait valoir que c'est pour des raisons d'intérêt, que ses parents le poursuivent. Et puis, il arrive aussi que, du fond de son internement, il envoie une lettre au roi, à la maison du roi, pour demander son élargissement, en faisant valoir qu'il a été poursuivi injustement. Mais en dehors de ça, ce n'est pas instruit contradictoirement, comme dans toute la justice. Moi, ce qui me frappe, notamment dans les textes que vous avez lus, c'est d'abord que les gens présentent ça comme un espèce de dernier recours. Ils ont fait ce qu'ils ont pu pour régler leurs problèmes et puis n'y sont point arrivés. Alors ça me paraît intéressant parce qu'il y a peut-être déjà l'idée tout de même que on ne dit pas tout de suite ces affaires privées, on ne les porte pas tout de suite vers le public. Et puis alors, il me semble qu'il y a le jeu du voisinage, et moi je suis très frappée de voir la présence de la famille dans le voisinage. Après tout, c'est pas évident, on peut penser que ces gens sont quand même des migrants, c'était quand même le cas, on le sait bien, d'une grande partie de la population 18e, et il y a souvent les frères, les cousins, et c'est très fréquent dans les textes qui sont donnés là. Alors ça fait penser un petit peu à ces quartiers endogames, au fond, on se regroupe. Enfin, c'est pour dire que ces textes, en même temps, nous ouvrent des aperçus sur la vie de la ville au XVIIIe, et qui sont effectivement des témoignages au-delà même de ce qu'ils veulent dire. Et puis alors on voit les personnages qui structurent le quartier, les voisins, ça c'est toujours passionnant, le curé et les médiateurs culturels comme l'écrivain public. Et alors on peut penser qu'effectivement au modèle d'écriture qui peut-être gère les lettres de cachet et à ce jeu, à cette tension que peut-être il existe entre la mise en scène façonnée au cours de longues pratique, et puis le cri qui arrive quand même à se percevoir à travers tout ça. C'est pour ça que je trouve que le jeu entre le public, le style, déjà le style, et l'irruption quand même d'une certaine spontanéité, à la fois pose problème et à la fois est éclairante. Mais sur la procédure même, en fonction de ce qu'a dit Latfarge, je crois que l'interrogation, une interrogation centrale, c'est de la comprendre par rapport, enfin de comprendre le rapport qui peut exister entre une forme d'idéologie de la famille et une forme d'idéologie de l'État, puisque là on est à l'intersection, ce sont des affaires de famille, mais après, impossibilité à les résoudre dans le fort privé, on les expose au roi ou à son représentant, le lieutenant général de police. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait dire qu'il y a une sorte d'homologie entre l'idéologie paternaliste de la royauté, qui reste dominante au moins tard dans le XVIIIe siècle, et puis cette idéologie monarchique de la famille qui donnerait là au chef de famille d'un côté, au chef de l'État de l'autre, des positions comparables ou dans un rapport qui peut se nouer directement. Je ne verrais pas exactement une homologie. Il y a une chose qui nous a frappé, par exemple, c'est que le père, justement, ne semble pas jouer un rôle particulièrement important. C'est toujours le père et la mère. Le père, la mère, les frères, les cousins, etc. C'est donc vraiment un groupe, beaucoup plus une petite collectivité, beaucoup plus qu'une sorte de monarchie familiale qui semble jouer. Ceci dit, il est absolument vrai qu'entre la famille et le pouvoir royal auquel on s'adresse, il y a des rapports. Des rapports qui sont, je dirais, d'emboîtement stratégique, en ce sens que la famille considère qu'il est normal, qu'il est naturel, qu'il est même le devoir du roi d'intervenir dans les affaires de famille, dans ses affaires privées. Donc, je crois qu'entre la famille et le pouvoir royal, vous avez toute une série d'enchevêtrements, mais je ne crois pas qu'il faille concevoir une sorte de société dans laquelle l'image paternelle se répercuterait de haut en bas, le roi étant un père général de toutes les familles et chaque père de famille étant un petit roi à l'intérieur de la famille. Emboîtement, oui. Homologie, non. Voilà ce que je dis. Oui, je crois, peut-être André Bégin, sur le 19e siècle, il y avait un point intéressant que vous soulignez hors antenne tout à l'heure, qui était le fait que c'est justement la toute-puissance paternelle viendra au moment où s'effondrera l'idéologie et cette... Et la réalité de cette image du roi-père. Oui, c'est je crois, le mouvement qui est assez perceptible à la lecture de votre livre. Et je me demande même si vous n'avez pas eu, comme vous arrêtiez donc vers la fin du XVIIIe siècle, votre enquête en 1758, si vous n'avez pas eu tendance à peut-être exagérer un peu l'importance de cette rupture et la concentration cette autorité sur la figure paternelle telle qu'elle aurait pu se passer, enfin c'est ce que vous laissez pressentir, au début du 19e siècle et telle qu'elle est codifiée par le code Napoléon, par le code civil. C'est une impression, ça n'apparaît qu'à deux ou trois pages, mais j'ai quand même le sentiment que le passage a dû se faire de façon à la fois moins subite et beaucoup plus diversifiée. Vous venez d'indiquer que effectivement la maîtrise à l'intérieur de la famille était très très partagée entre les parents, bon, les enfants. Mais... Et je crois que si l'on voit dans le long terme l'évolution des rapports, des rapports entre pouvoir contre pouvoir à l'intérieur de la famille, dans le voisinage, etc. L'évolution ne va pas unilatéralement dans le sens d'un rétrécissement de l'autorité sur la figure paternelle. J'aurais aimé savoir pourquoi vous avez eu tendance à considérer que donc la rupture était à la fois soudaine et... Avec le code civil, c'est la page, je pense, oui. André Bégin, allusion à la page sur le code civil. Il a, à partir du moment où la procédure disparaît, le code civil redonnant une autorité au père de famille dans le... dans le sein de l'intimité, sans plus aucun contrôle, ni le contrôle de justice, ni cette forme originale qu'était le rapport avec le roi dans la lettre de cachet. Pour moi, c'était une hypothèse, c'est-à-dire c'est tout un déroulement. Ce qu'il me semblait très intéressant, c'est que à égalité ou presque, femmes et maris pouvaient demander l'intervention de la mise en prison du conjoint. Bon, et comme l'a souligné tout à l'heure Michel Foucault, effectivement, pour les enfants, c'était aussi le père et mère qui conjointement. Il n'y avait pas du tout une figure plus forte qui aurait été celle de l'homme. Et il était posé dans le livre comme hypothèse, nous posions comme hypothèse que finalement la disparition des lettres de cachet favorisait une éventuelle autorité du chef de famille beaucoup plus prégnante et en tout cas faisait disparaître la femme. Je crois que c'est en ce sens-là qu'il faut restituer le raisonnement. C'était moins le père que tout d'un coup la disparition de la possibilité féminine d'intervenir à égalité avec l'autorité masculine. Et c'est un petit peu en ce sens-là que l'hypothèse, peut-être, elle n'est pas assez précise et elle donne lieu à... Michel Perrault, oui. C'est effectivement une hypothèse que vous ne faites que suggérer. Je pense par exemple à ce passage de la page 46. Bon, c'est l'homme qui assure le lien entre les deux et qui de ce fait renvoie la femme à l'espace cantonné de la vie privée. Le code civil parachèvera ce mouvement. Et de la page 362, le vieil internement de famille sera alors entièrement rabattu sur les droits de la puissance paternelle sur les enfants mineurs. Mais ça n'est absolument pas une critique. J'ai eu tendance à percevoir, peut-être une légère exagération sur la brutalité de la rupture. Il faut distinguer deux choses. Oui. D'une part, en effet, le processus, disons, social, qui va être forcément long, complexe, passé par mille canaux, et puis le fait, qui est tout de même très net sous la Révolution, que lorsque les lettres de cachet auront disparu et que toutes ces institutions de police auront été mises au rancard, la première question qui se posera, c'est comment va-t-on régler les problèmes de famille, et la réponse apparaîtra très vite, il faut que ça soit la puissance paternelle qui s'en charge. Alors là, ce sera, si vous voulez, la réponse juridico-institutionnelle posée en principe, qui ne préjuge pas la manière dont l'évolution sociale de cette puissance paternelle se fera. Alors donc, vous avez une brusquerie d'un certain côté, une certaine soudaineté, et puis en dessous, à côté, vous avez un processus lent. Voilà. Michel. Oui, sur ce rapport des hommes et des femmes, je voudrais faire quelques petites remarques ou questions. Avant de revenir au problème du roi, j'aimerais bien qu'on y revienne. Moi, il me semble, il y a des historiens hollandais, Diederik Spierenburg, pour ne pas les nommer, qui ont fait des études tout à fait comparables aux vôtres sur les prisonniers de famille dans la Hollande des 18e et 19e siècles, parce qu'en Hollande, ça continue très très longtemps. Et ils notent la même chose, que non seulement les femmes ont autant recours que les hommes à l'enfermement de famille, mais même plus. Ils ont parfois tendance à y voir aussi le signe d'une égalité. Moi, je me pose une question à cet égard. Je me demande si on ne pourrait pas retourner la chose. Au fond, si les femmes ont recours davantage au roi, au pouvoir pour régler les problèmes familiaux, n'est-ce pas parce que les hommes règlent mieux leurs comptes directement, ne serait-ce que par la violence physique, et parce que les femmes, se trouvant démunies, par conséquent, se tournent vers la puissance paternelle du roi. Est-ce qu'on ne pourrait pas, au contraire, je cherche pas du tout, bien entendu, à dire que les femmes sont plus dominées, c'est pas ça la question, mais en faire l'expression du signe de la place des femmes dans le rapport paternaliste. Et puis une deuxième remarque, il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, il y a quelque chose qui un tout petit peu, succède à ce que vous montrez, c'est le problème des séparations de corps. La question des séparations de corps a été étudiée par un historien, Bernard Schnapper, et Bernard Schnapper montre que dans les séparations de corps, ce sont les femmes qui sont demandeuses. Majoritairement, 75%. Elle montre aussi que dans 80% des cas, car on a des statistiques précises, c'est pour les coups. Ce n'est pas, dit-il, la femme trompée, mais la femme battue qui demande la séparation de corps. Et il y a des analogies avec ce que vous demandez. Alors, donc, peut-être ne faudrait-il pas voir une trop grande égalité des hommes et des femmes dans cette affaire, mais peut-être même un signe de faiblesse des femmes qui ne sont pas en mesure de régler directement leurs comptes, alors que les hommes le font. Qu'en pensez-vous ? Moi, j'aurais tendance à répondre peut-être d'une autre façon à cette question. Je ne crois pas que quand il est précisé là que ça serait en dernier recours, finalement, que les femmes demanderaient l'enfermement de leur mari, alors que les maris régleraient leurs comptes d'une meilleure façon. Je crois qu'on pourrait peut-être réfléchir et associer, enfin, y voir une raison à cela, c'est que finalement, c'est quand même sur la femme que repose la charge des enfants, et que effectivement, elle attend le plus longtemps possible. D'ailleurs, elle le dit dans les textes. Elle dit j'arrive là meurtrie depuis tant d'années. Finalement, souvent, on fait une moyenne, c'est-à-dire au bout de 15 ans, 20 ans de coups et de meurtrissures. Bon, bien sûr, il y a l'exagération du texte et de la demande, mais est-ce que c'est parce que elle n'arrive pas à se sortir d'affaires, ou est-ce que c'est simplement parce que, ayant la charge des enfants, il aurait quand même impossible de demander au mari d'être enfermé? Je sais pas si on peut interpréter ça comme aussi qu'elles demandent, alors elles ont un recours au roi, et qu'elles rentreraient dans un schéma paternaliste, parce que ça serait leur accorder beaucoup beaucoup de faiblesses encore, et je sais pas s'il faut aller jusque là, mais enfin je peux pas répondre vraiment à cette question. Est-ce que je ne peux pas dire que c'est un peu lié tout de même au problème spécifique au fond de la femme. C'est des problèmes de la femme, c'est d'être battue et c'est d'être trompée. C'est-à-dire que le mari, lui, se trouve dans la double situation de force, de pouvoir battre sa femme plus facilement que l'inverse, et deuxièmement, de partir et d'aller avec la gourgandine du coin, ou tout simplement de changer de lieu. C'est ce qui me semblait. Et alors, contre ces deux dangers qui sont grands, qu'est-ce que peut la femme, quel recours a-t-elle? Moi, je suis assez d'accord de ce point de vue-là. Expression d'une situation féminine. Faiblesse, oui, et surtout problème tout à fait spécifique que seul un internement peut résoudre. Mais les textes que vous citez révèlent qu'en fait la femme ne s'affrontait pas seule à ce danger marital, n'est-ce pas, à la violence de son mari. La réaction du quartier, des voisins, était en général immédiate et vigoureuse, n'est-ce pas? Alors là, on entre déjà largement dans l'analyse du premier ensemble de textes que vous donnez, qui porte justement sur les tensions entre les maris et les femmes. Et ce qui paraît tout à fait intéressant, c'est d'y lire une sorte les attentes, soit partagées, soit particulières à chacun des sexes, par rapport à ce qui doit être la vie d'une famille normale ou réglée. Et il y a deux choses qui paraissent assez frappantes dans ce que vous avancez. C'est d'une part cette attente féminine d'une présence du mari. Ça rebondit un peu sur la réponse qu'a fait Arlette Farge, puisque il y a là un rôle que l'on veut voir assumé en particulier dans l'éducation des enfants, qui est sans doute beaucoup plus grand qu'auparavant. Et puis du côté des attentes masculines, il y a quand même, par rapport à ce que disait Michel, bien sûr la majorité sont féminines, mais il y a tout de même le fait de ces maris qui vont porter demande d'internement pour la défense de leur honneur, parce que l'infidélité féminine l'a mise en cause ou l'a ébréchée. Bon, peut-être qu'on peut prendre ces deux, le texte sont très riches et votre commentaire aussi, donc on ne peut pas tout dire, mais peut-être qu'on peut prendre ces deux fils. Sur le premier, c'est-à-dire cette attente de la part éducative du mari, est-ce qu'on ne retrouve pas là une valorisation qui se manifesterait aussi bien dans une nouvelle morale religieuse de la famille au XVIIIe siècle que dans un effort d'acculturation qui passe par l'école, mais pas seulement par l'école, depuis la réforme catholique. Est-ce qu'on ne peut pas lier, à votre avis, ce nouveau rôle donné par les femmes à leur mari à quelque chose de plus large, qui est la valorisation de la tâche éducative dans l'ensemble du corps social du XVIIIe siècle? Oui, moi, ce que je me demande, c'est si c'est vraiment un nouveau rôle du mari. Parce que, en fait, ce qui est nouveau, c'est d'avancer cette idée-là, puisque justement, jusqu'ici, on a toujours présenté la famille comme un lieu où le père n'aurait rien eu à faire avec ses enfants, ou presque, en tout cas dans les classes populaires, j'entends. Et là, de découvrir, et pour moi c'était aussi une découverte, de découvrir en fait que la femme pouvait attendre une présence masculine aux soins des enfants. C'est les termes qui est toujours employé. Au soin des enfants, ça veut dire beaucoup de choses. Il me semble, je ne sais pas si on peut dire que c'est un nouveau rôle. Il faudrait d'autres études pour savoir si c'est nouveau. Je me demande si finalement c'est quelque chose qu'on n'a pas toujours escamoté, et si ça n'amènerait pas à repenser certaines études sur la famille, ou sur l'éducation, ou sur l'instinct maternel qui avait eu lieu jusqu'ici. Parce que c'est tellement majoritaire dans les textes que ça me semble quelque chose qui paraît pas être neuf. qui rentre peut-être dans une tradition que l'on n'a pas perçue jusqu'ici. Oui, cette insistance sur le rôle paternel ne procède-t-elle pas de cette rhétorique de l'honneur à laquelle vous faites allusion? Mais... C'est-à-dire, ce serait un modèle, et il conviendrait de se conformer à ce modèle pour que la plainte soit acceptable. Pour moi, c'est peut-être pas tant une référence à la rhétorique de l'honneur que une espèce d'image du couple qui est une association économique entre les deux partenaires, où le travail de l'un comme le travail de l'autre compte, autant celui de l'homme que de la femme, où l'oisiveté est autant condamnée par le mari que par la femme, et que donc dans cette espèce de rapport économique entre les deux, les enfants restent eux aussi une tâche à partager, et que tout ça fait un ensemble finalement. Et peut-être que l'honneur intervient après. Edouard, là sur le nouveau rôle, c'était aussi peut-être en pensant à ce qu'avait montré, quand même, je crois, d'une manière assez claire, Flandrin, qui était tout de même un déplacement de la morale familiale portée par les textes religieux au XVIIIe siècle, marquant des devoirs des parents vis-à-vis des enfants beaucoup plus grands, ce qui pouvait être aussi bien des devoirs des maris par rapport à leurs femmes pour ne pas que des grossesses mettent en danger la vie de la femme, et d'autre part, qui pouvait être ce soin plus attentif donné depuis les soins de la petite enfance jusqu'aux soins de l'éducation pour trouver un état qui, là, était partagé par le couple, mais impliquait aussi le rôle du mari. Est-ce qu'il pouvait, par un effet un peu paradoxal, avoir peut-être diffuser le recours à des pratiques contraceptives, puisque la manière de donner plus de soins aux enfants, une des manières était peut-être d'en avoir moins. Donc, bon, par une sorte d'effet inattendu dans la prédication religieuse, cette pratique qui serait contraire avec le discours d'Église. Alors bon, est-ce que tu penses que c'est pas peut-être un nouveau rôle au sens du vécu familial, mais c'est tout de même une nouvelle imposition de normes que ces textes donneraient l'impression d'avoir été intériorisé. Voilà, c'est ça qui est assez frappant dans ces textes. Bon, d'une part, bien sûr, ils révèlent toute une série de conflits qui pourraient donner une image très, très sombre de la vie familiale. C'est des histoires qui sont, à un sens, assez atroces. Bon, c'est vrai. Mais se dégage tout de même de tout ça une certaine image positive, ou en tout cas un système de valeurs auquel les gens se réfèrent. Concernant l'éducation des enfants, concernant les bons sentiments que les époux doivent avoir les uns l'un vis-à-vis de l'autre, certaines images de la famille qui est évidemment en contradiction avec ce qu'on voit, mais enfin qui apparaît comme un système de normes par rapport auquel on peut définir ce qui est le mauvais comportement du père, des enfants, de la mère, etc. Et cette image positive, enfin ces valeurs positives, ne me paraissent pas tellement éloignées, étrangères de ce qu'on peut trouver dans des textes théoriques, philosophiques, qu'ils soient religieux ou non, et dont on nous fait croire souvent que ce sont eux qui ont inventé ces nouvelles valeurs familiales. Je ne dis pas que la famille qui se dégage de ces textes, c'est la famille de Rousseau, c'est pas exactement l'Émile, mais il n'y a pas tellement, malgré tout, de distance entre ces valeurs formulées solennellement comme des nouveautés par les philosophes et puis ce qu'on sent de sensibilité à l'égard des valeurs familiales dans ces textes. Enfin, je force peut-être un peu. Oh non, moi je suis tout à fait d'accord. Et c'est cette homogénéité est assez impressionnante. C'est très intéressant parce que les pratiques sociales, à certains égards, auraient peut-être remonté vers les théories suivant le schéma contraire à ce qu'on a habituellement. Absolument. On a un peu l'impression aussi que dans ce système de valeurs, il y a des sédimentations, des couches successives. Il y a cette atmosphère un peu de 18e siècle, enfin, Léonard Rousseau s'implique. Il y a quand même, à mon avis, tout de même cette forme d'une réussite au moins partielle de l'inculcation des valeurs de la réforme catholique. Et peut-être, alors, en sédimentation encore plus profonde, c'est là où on peut toucher le problème de la fidélité et de l'honneur. J'ai l'impression que pour les lettres des maris contre leurs femmes, on a, alors là, un ancien système de valeurs qui est un peu inattendu dans un monde parisien de familles nucléaires et où on n'attendrait pas à la fois cette homogénéité du groupe social qui est porteur et défenseur d'un honneur collectivement partagé, d'où quand une femme est en état d'inconduite, le témoignage de ses propres parents est d'une importance capitale mal pour la faire enfermer. Il y a cette identification un peu comme dans la comédia espagnole du XVIe siècle entre l'honneur et la réputation. Et puis tout l'honneur, là, repose dans ce cas-là sur la vertu féminine. On a l'impression, là, d'un socle de valeurs qui est un des plus traditionnels dans l'ensemble de ce que vous décrivez. Oui, moi, je voudrais faire une ou deux remarques là-dessus. Moi, il me semble aussi que la famille, dans ce milieu de migrants, encore une fois, que Paris est nécessairement, c'est probablement la cellule d'autodéfense de base contre tout ce qui est menacé. On le voit bien dans les histoires ultérieures d'émigration. Donc, peut-être c'est pas tellement surprenant que les gens s'appuient d'autant plus sur la famille qu'ils en ont besoin, en définitive, non seulement sur le plan économique, comme le disait Arlette, mais au fond, sur le plan de la chaleur, c'est très important. Maintenant, d'un autre côté, par définition, ces documents nous donnent la famille. Or, il y a aussi un monde, pour peut-être immense, qui n'est pas pris là-dedans. Donc, il ne faudrait pas non plus forcer la note. Il y avait probablement aussi à Paris des sans-famille, des gens qui vivaient autrement. On ne va pas s'étonner de trouver la famille sur un document qui met tout le paquet sur la famille, ça c'est clair. Je crois aussi que c'est intéressant de voir que dans le processus de cet enfermement, au bout du compte, c'est quand même les femmes qui cherchent davantage à faire libérer leurs maris que les maris leurs femmes. Et ça, c'est peut-être aussi intéressant. Il peut y avoir, enfin, on pourrait réfléchir sur ce que ça peut vouloir dire. Est-ce que c'est effectivement un état de faiblesse économique tel qu'ils leur font, ou bien est-ce que à partir de ce moment-là, et ça, c'est des choses qui avaient été dites d'ailleurs par le noir aussi. Est-ce que ce n'était pas aussi un moyen assez simple pour l'homme de se débarrasser de son épouse et par là de vivre un libertinage qui par ailleurs lui aussi devenait une délinquance et qui devient très encombrant, alors que dans l'autre cas, la femme chargée d'enfants ne peut pas, pendant que le mari est en prison. Mais ce sont peut-être des oppositions trop simples, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir remarqué cette différence au bout du compte. Oui, ces systèmes de valeurs entraînant aussi des systèmes un peu sémantiques de traduction, et dans le cas qu'on évoquait pour l'idée que prostitution ou débauche sont les traductions obligées de ce qui pouvait être qu'infidélité conjugale. Et toute cette rhétorique de l'honneur est aussi un travail de traduction ou d'expression pour être entendu. Moi, je crois que ça c'est très intéressant aussi, qu'on ne puisse pas parler de l'attitude de la femme autrement que comme ça. C'est-à-dire, si elle est en dehors de la famille parce qu'elle a eu une liaison ou elle vit en concubinage avec quelqu'un, on ne peut pas nommer cela comme cela. On est obligé de prendre les mots les mots de la prostitution, même putanisme, même des injures. C'est-à-dire qu'on est obligé de passer à un stade de langage totalement différent que la réalité sur laquelle s'instaure en fait le délit. Alors que pour l'homme, la chose est totalement différente. Et je crois que là aussi, ça rejoint finalement peut-être aussi tous les textes populaires sur la femme qui ne peuvent pas traiter la femme autrement que d'ange ou de prostituée. Je crois qu'on rejoint là quand même toute une tradition. Bon, il faudrait s'en expliquer davantage, mais toute une tradition sémantique aussi. Mais ce serait pas aussi parce que le système ce système de valeurs qui fait reposer l'honneur sur la vertu féminine n'est plus accepté totalement par les autorités comme suffisant pour déclencher une procédure. Et la traduction a pour but de les forcer un peu. Alors, je disais que c'est un système qui est peut-être en rapport avec un système archaïque de valeurs de l'honneur, mais qui en même temps, on a l'impression que les demandeurs pensent que les autorités vont pas marcher uniquement sur cette base et qu'il faut, comme tu dis, aller beaucoup plus loin dans l'accusation, même au défi de la vérité. Je crois que dans ces textes-là, la catégorie de la débauche, qui est tout à fait confuse, est en même temps très intéressante. Par débauche, on entend aussi bien le fait que la conduite qui consiste à débaucher, c'est-à-dire à quitter son emploi, son travail, ses obligations, son lieu. Ça peut désigner l'ivrognerie, ça peut désigner la débauche sexuelle. Il est très remarquable, alors, qu'il n'y a aucun dossier sur l'homosexualité. Jamais les parents, jamais la femme ne se plaint sur l'homosexualité de son mari ou inversement. Et tout ça dans la catégorie de la débauche. Vous faites des hypothèses là-dessus ? Alors, il y aurait à étudier, et je crois que c'est en train d'être fait actuellement, des dossiers qui sont spécifiquement consacrés à l'homosexualité, mais alors là, qui sont des dossiers de police proprement dite, c'est-à-dire, ce sont des gens qui sont ramassés dans les lieux traditionnels et séculaires de drague, c'est-à-dire Saint-Germain-des-Prés, le Luxembourg et le Palais-Royal, et sur provocation policière. Mais il n'y a pas de demande de famille ayant pour base explicite, pour motif explicite, l'homosexualité de l'individu. Oh, c'est très intéressant. Et de la morale tout est, familiale. Ce n'est jamais, n'est-ce pas hein, je ah, me oui, trompe oui, pas. Oui, non, non, c'est oui. On peut le deviner à une ou deux choses. On peut le soupçonner. En dehors de ça, jamais. Mais c'est la catégorie des bourges. Et alors, il semble tout de même que, puisque c'est la catégorie fondamentale, les gens croyaient, et on leur donnait à croire aussi, que c'était en effet une catégorie qui intéressait aussi bien l'État que la famille. Absolument. C'est le point de convergence où l'intérêt de l'État, la sollicitude de l'État et les besoins de la famille viennent coïncider. On ne peut pas avoir, ni dans une famille bien réglée, ni dans un État bien ordonné, des gens débauchés. Second ensemble de dossiers publiés dans ce livre, Le désordre des familles, l'aide de cachet des archives de la Bastille, collection archives chez Gallimard, et qui vient tout juste d'être publié par Arlette Farge et Michel Foucault. Donc, second ensemble, une soixantaine de dossiers qui concernent les tensions entre parents et enfants. Et ici, vous avez donné un peu une catégorie qui permettrait de comprendre l'articulation de ces conflits divers et singuliers chacun, qui est la notion de conflit au seuil. Qu'est-ce que vous entendez par cette expression ? Je crois qu'il y avait évidemment un très gros problème spatial qui se posait à l'existence des gens au XVIIIe siècle. Il n'y a pas qu'à cette époque-là, d'ailleurs, que ça se passait. Et m'a frappé le fait que dans les textes du XIXe siècle, si je me trompe, Michel Perrault me rectifiera, il me semble que l'entreprise de moralisation se faisait surtout sur des thèmes en quelque sorte temporels. On ne voulait pas que les gens mènent une vie dissipée. Mener une vie dissipée, c'était ne pas prévoir aujourd'hui comment on vivrait le lendemain. Ne pas mener une vie dissipée, c'était avoir un livret de caisse d'épargne. C'était avoir un emploi stable, etc. Il me semble que dans les textes que nous avons là pour le XVIIIe siècle, c'est plus un problème d'espace qu'un problème de temps. Les gens que l'on veut enfermer, ceux dont on estime qu'il faut les corriger, ce sont ceux qui s'agitent. Ce sont ceux qui sortent, qui s'en vont, qui reviennent, qui repartent, etc. Et évidemment, dans le cas des enfants, quand ils grandissaient, c'était le problème essentiel. Alors il y avait deux cas, évidemment. Le cas de la fille qui partait, et qui partait avec un homme, ou éventuellement avec plusieurs. Mais là encore, le mot prostitution désignait simplement en général le fait qu'il vivait en dehors du mariage avec quelqu'un. Il ne faut donc pas exagérer l'absence de vertu des filles. mais elle partait. Et puis alors, il y avait le cas du garçon. Le cas du garçon qu'on envoyait en apprentissage, qui ne supportait pas l'apprentissage, qui revenait chez lui, qui prenait un peu d'argent ou en obtenait sous menace. Et puis partait, revenait, rentrait, etc. Et c'était ces allées et venues, me semble-t-il, qui étaient le problème essentiel et le seuil spatial de la famille et du logement me paraît être le point où, à partir duquel se déclenchait la crise et la demande d'internement. renvoyant au seuil de l'indépendance, de la majorité, puisque là, ce sont des garçons ou des filles assez... Ça va jusqu'à... On a presque 30 ans. Lié au ce que l'on connaît. Et alors, il semble, là, on fait quelques estimations, parce que c'est très difficile de faire des estimations précises, montre que la maximum, je crois, enfin, on l'a marqué une page du livre, l'âge, c'est entre 20 et 25 ans que ce... Que la crise donc juste est, avant, normalement, ce que les démographes ont mis en évidence c'est comme l'âge moyen comme l'âge au mariage. C'est ça, c'est l'état de pré-mariage qui provoque ces crises. Oui, moi je suis très frappée de l'âge élevé de ce qu'on appelle enfant ici. Mmh. Et derrière le mot enfant, finalement, c'est une situation de dépendance beaucoup plus qu'un âge biologique. Mmh. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire sur cette différence entre espace et temps. Ceci étant, je crois qu'incorporer le temps dans la prévision des agents et des familles au 19e, c'était aussi une très longue histoire. Mmh. Et que par conséquent, il y aurait toute une période où l'on retrouverait les mêmes types de comportements. Alors, ceci étant, pour les enfants au 19e siècle, qui alors deviennent, on le dira peut-être, la correction paternelle, c'est un petit peu la poursuite de ce système, mais uniquement pour les enfants, avec une limite assez claire dans le temps, le reproche qu'il leur est fait est aussi d'espace, souvent. C'est-à-dire vagabondage, fugue. C'est le grand reproche à l'enfant, c'est de ne pas savoir rester en place. Alors on va retrouver, mais pour les enfants et les vrais enfants, au fond, ce reproche qu'on fait là à des gens beaucoup plus âgés. Ça, c'est vrai que c'est très frappant. La notion de scandale public jouant pour ce conflit de seuil, puisqu'il y a ceux qui partent au loin, mais il y a surtout ceux qui sont là à présent, enquistés dans le quartier, la fille qui se prostitue pas très loin, ou le garçon qui dans ses va-et-vient. C'est ça. Voilà. À partir du moment où ils ont totalement disparu, on ne les recherche pas, il n'est pas techniquement d'ailleurs possible sans doute de les retrouver. Mais c'est ceux qui vont et viennent, qui réapparaissent. Moi je trouve que vos textes renversent un petit peu des idées reçues sur la notion d'indépendance de la jeunesse justement. Et au fond, est-ce que ce qu'on appelle majorité, à partir du moment où ça a été défini juridiquement, n'a pas pris effet plus tôt au 19e siècle? Est-ce qu'au 18e, la cellule familiale finalement n'était pas de plus longue durée? Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas. Moi, je suis très frappée, moi, de l'âge très élevé de ces gens. On dirait au 19e, un garçon de 30 ans, non, on ne le poursuit pas comme ça. Oui, enfin, moi, je suis tout à fait d'accord avec Michel. Et c'est aussi quelque chose qui nous avait beaucoup étonné aussi, c'est que finalement, on a toujours dit qu'au 18e siècle, les gens étaient encore une population nomade, surtout dans les classes populaires. Alors, pourquoi ce reproche de vagance à ceux qui ont 20-25 ans et qui sont traditionnellement, justement, ils font partie des migrants, on mire, etc. Alors, qu'est-ce que ça vient soulever comme question? Se l'était posé là, aussi. C'est sans doute un des cœurs du livre qui est par rapport à l'image construite par la démographie historique de familles en milieu urbain complètement coupées de leurs racines, émiettées d'une famille élargie, absolument, vivant uniquement en cellules nucléaires avec une grande autonomie des générations. Tout le portrait qu'il y a là est presque tout inverse. C'est cette famille nucléaire immergée dans un tissu non seulement communautaire de voisinage, mais familial, proche. C'est cette dépendance perpétuée jusqu'à des âges tout à fait avancés. Il y a là une manière de deux images qui ne collent pas très bien et qui... Ce désordre de la famille donne paradoxalement une idée de la force de la famille. Et les réponses du lieutenant de police, parce que très souvent il arrive que le lieutenant de police donne un avis qui ne soit pas favorable à l'enfermement, jamais, autant que je sache, on ne voit une réflexion du genre « maintenant il est trop grand pour que vous l'enfermiez ». On peut dire non, il n'est pas si vagabond que ça. Non, c'est une autre raison qui fait que les parents veulent se débarrasser. Mais jamais, à 25 ans, à 30 ans, il a le droit d'entrer et sortir ou il a le droit de se promener comme il veut. Jamais. Et au 19e siècle, on ne cesse d'abaisser l'âge de la majorité, par exemple. Est-ce que ça ne serait pas dû à ce que le critère de la maturité est simplement le fait d'être marié ou pas, n'est-ce pas? Et que, n'est-ce pas, prendre en considération l'âge biologique n'est pas tout à fait approprié pour cette période? Pas toujours, parce que certains textes concernent des enfants qui sont mariés. La fille mariée avec quelqu'un et ayant par ailleurs une vie, ou bien le mari a une vie complètement libertine. Alors Le vocabulaire utilisé est le même que pour des enfants du même âge non mariés? Oui, à peu près. Moi, je suis quand même de l'avis d'André Bégin. Il me semble qu'il y a une singulière absence de ce qu'on pourrait appeler les droits des adolescents, par exemple. Ah oui, ça c'est sûr. C'est tout à fait. Absolument pas. Ça nous amène à un autre thème important qui est celui de ce rôle correctif joué par la lettre de cachet et surtout sa suite, l'enfermement, lorsqu'il est obtenu, et ce qui porte interrogation sur la place et la signification de cette forme répressive, même si on met des guillemets, dans l'histoire des pénalités d'Ancien Régime. Parce que au départ, il y a quand même une très forte originalité par rapport au fonctionnement de la justice. Et cette originalité au fonctionnement de la justice, je crois que vous la manifestez plusieurs fois en montrant qu'il y a là, à travers l'idée du secret, ou à travers l'idée de la réclusion et qui donc doit entraîner un certain secret, des éléments et des valeurs qui sont totalement antinomiques avec celles du fonctionnement du système judiciaire. Vous apportez beaucoup manifestez beaucoup d'importance à cette notion de secret. Oui, de secret et d'abord... À plusieurs niveaux de la procédure. Oui, d'une pratique tout à fait différente que celle de la justice ordinaire, et ça on l'a peut-être pas tout à fait assez souligné jusqu'ici, c'est-à-dire que effectivement, les familles estiment que la justice publique est infamante, et c'est justement parce qu'elle est jugée infamante qu'on va avoir recours personnellement au roi. Mais recours personnellement au roi, en même temps, des conditions économiques. C'est-à-dire qu'on va demander au roi l'emprisonnement d'un des membres de la famille, mais en même temps, on va payer cet enfermement. On va proposer, et il y aura d'ailleurs des marchandages dans certains des dossiers soulignent cet aspect-là. Et je crois que, en effet, il y avait quelque chose de très intéressant dans cette façon tout à fait parallèle par rapport à la justice de se présenter au roi dans toute son insignifiance et avec peut-être derrière l'idée en avouant et en étant les premiers, en n'étant pas sollicités par personne, donc en étant les premiers à avouer ce secret au roi, ce secret pouvait enfin s'enfouir à jamais par l'intermédiaire de la personne suprême, de l'autorité suprême du roi, et être complètement lavé de toute souillure, alors que une justice, c'est une justice qui est proclamée au carrefour, avec des procès qui sont imprimés, avec des châtiments qui sont aussi vus de tout le monde, et que là on est hors du spectaculaire pour retrouver enfin les ténèbres en fait de la famille, du ventre familial. Le roi est le grand-père et le confesseur. Alors, yes, oui. J'aimerais savoir ce que vous en pensez, Michel Foucault, de cette figure du roi. Moi, je trouve ça très, très impressionnant dans ces textes et ce rapport des gens au roi dans la justice. Et finalement, quand le roi disparaît de la scène publique, le désarroi que peut-être ont pu ressentir des couches populaires. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, ce fonctionnement politique ? Oui, c'est en effet une des choses très importantes. D'abord, il faut bien dire, de la justice réglée, comme on disait à l'époque, les gens se méfient. Tout le monde se méfie, bien sûr. Et c'est une grande crise du fonctionnement de la justice réglée tout au long du XVIIIe siècle qui aboutit à ce qu'on sait à la veille de la Révolution. Il y a cela. Il y a le fait que beaucoup de ces délits, de ces fautes, que l'on va sanctionner par l'enfermement, beaucoup de ces fautes, évidemment, ne pouvaient pas relever d'une procédure judiciaire. Il y a le fait très important, souligné tout à l'heure par Arlette Farge, que le problème économique. Car la justice réglée, elle coûte horriblement cher, mais on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Alors qu'au moins, dans l'enfermement, on paie, mais on paie une pension, c'est des frais d'hôtellerie. Et on sait à quoi on s'engage, il y a une sorte de contrat. Le roi enferme, le roi demande une pension, on discute avec le roi ou ses représentants, on établit un prix et puis on paiera d'année en année jusqu'à ce qu'on dise qu'on ne peut plus payer. Donc il y a là quelque chose, un avantage économique, même si l'enfermement est coûteux par rapport à... Alors il y a en effet derrière tout ça le recours au roi et le problème de cette espèce de confession que l'on fait au roi pour éviter le scandale public. Car le roi devient le détenteur du secret. Alors là, c'est une fonction qui est très curieuse et très intéressante. Alors je sais que tout récemment, on a beaucoup souligné le fait qu'il n'y a de roi que de la représentation du roi, le corps du roi comme élément visible, rituel, etc. Mais il faudrait voir aussi un peu l'envers, c'est-à-dire le roi comme personnage interne en quelque sorte, auquel on confie des secrets. il y a tout un champ d'invisibilité dans le rapport que chacun a au roi. Et ces choses dont on ne veut pas qu'on les dise et qu'elles se sachent publiquement, on va les susurrer par un placé à l'oreille du roi, qui va faire passer l'individu dans le secret d'un enfermement, dans une de ces maisons dont il faudra sans doute parler un petit peu tout à l'heure, où il va rester ni vu ni connu de personne jusqu'au moment où il réapparaîtra. Alors, le corps du roi comme lieu du secret serait peut-être aussi à envisager. Et c'est tout le contraire de la cérémonie. Absolument. André Béjin. Vous avez mis en évidence le facteur économique. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre facteur? C'est qu'il m'a semblé, à vous lire, que les éclaircissements de police n'allaient pas très profond dans la vie des familles impliquées. Et à partir du moment où le problème était suffisamment bien posé, selon le modèle rhétorique que vous avez souligné, à partir de ce moment-là, les éclaircissements n'ajoutaient pas grande lumière sur les discordes familiales, alors que, et donc le sujet, n'est-ce pas, était le producteur de sa vérité. Alors que dans l'autre hypothèse, bien sûr, l'hypothèse judiciaire, bien sûr, cela aurait coûté plus cher, mais en plus, probablement, le sujet aurait été en situation de bien moindre maîtrise de la vérité qu'il voulait afficher vers l'extérieur. Est-ce que ça ne compte pas beaucoup? Je crois que vous résumez ça en une formule, n'est-ce pas? Se dire pour ne pas être dit, ça m'apparaît fondamental. Et c'est à la fois une démarche de, bien sûr, de prévention, hein, vous le soulignez autre part, de prévention, c'est-à-dire d'éviter qu'il ne soit nécessaire de recourir à une procédure judiciaire. Mais en même temps, il s'agit également pour ces familles impliquées de prendre les devants, n'est-ce pas, et de poser la définition des termes du débat. Hein, oui, c'est le paradoxe, si vous voulez, de cela, c'est que plus on s'adresse au roi, plus on reste maître de la situation. Voilà, c'est ça. À partir du moment où on met le doigt dans la machine judiciaire, au fond, on ne sait pas très bien jusqu'où on va aller. Alors que là, on pense qu'on sait à peu près où on va, et vous avez tout à fait raison, on est à peu près maître de la vérité. Ceci dit, il y a tout de même des enquêtes de police qui sont faites. Alors, vous avez raison, jusqu'à un certain point, elles ne font que répéter. Le temps de police, on me dit, oui, c'est vrai ce qu'il a remplacé. Alors, est-ce qu'effectivement il a vérifié? Est-ce qu'il n'a pas vérifié? Et est-ce qu'il répète simplement? Parce que, bon, là, je crois qu'Arlette Farge a des... Est-ce que des possibilités analogues ont subsisté au XIXe siècle? Possibilité. D'être maître de sa maître de la vérité dans une procédure officielle. Est-ce que c'est quelque chose qui a disparu avec l'Ancien Régime? La correction paternelle prolonge ça un peu. Et puis alors, moi, peut-être les questions d'internement en asile psychiatrique. Ouais. Moi, j'ai souvent l'impression que l'asile, ici, prend la suite de la lettre de cachet. Enfin, mais ça serait encore quelque chose à développer. Je voulais souligner interroger quelque chose sur ce que vous veniez de dire, sur justement se dire pour ne pas être dit. Je crois que dans le secret, il y a en même temps, dans ce processus du secret, un aspect complètement paradoxal. Parce que effectivement, le voisinage et tout le quartier le sait, donc au départ. Donc quand ce sujet est producteur de la vérité, il est producteur de sa vérité, mais en même temps de ce qui est dit sur lui autour. Et le seul moyen d'effacer, je crois que c'est aussi un des autres volets, le seul moyen d'effacer cette espèce de rumeur, cette réputation qui court, cette chose si importante pour l'époque, c'est justement d'en aller au roi, car là aussi, la justice ordinaire n'arrivera pas à éteindre les feux. Donc, je crois que le secret dit au roi, c'est aussi une façon d'engloutir par avance toute la rumeur autour, en fait, d'une conduite. Et donc, ça a aussi un aspect absolument paradoxal. Ou est-ce que ça n'est pas que le roi se porte garant de la version proposée par les requérants? Je crois que c'est vraiment de la demande personnel que vient tout. Je crois que c'est la demande personnelle qui fait agir le roi et que le roi se laisse, c'était Michel Foucault qui le disait tout à l'heure, se laisse finalement manipuler. Oui, c'est cet aspect-là. Manipuler beaucoup plus facilement qu'un magistrat. Oui. Ça paraît pas douteux. C'est, oui. Et donc, c'est tout à fait normal qu'on s'adresse à ce bon personnage. Le roi des lettres de cachet est un personnage positif, est un personnage favorable. Et c'est ça qui a été complètement retourné dans l'historiographie. Et puis, il y a quelque chose d'important aussi, c'est le plaisir que le roi a à faire ça. Parce qu'il existe ce plaisir. Parce que quand les lieutenants généraux de police, toutes les semaines, vont expliquer tout cela au roi, le roi, et on le sait, s'en est toujours beaucoup amusé, s'y est toujours beaucoup intéressé. Et il y a aussi un plaisir du roi, et le bon plaisir, c'est quand même quelque chose qui vient... Est-ce que les magistrats étaient jaloux de ce pouvoir du roi? Oui, horriblement. Oui, horriblement. Ils ont mené le conflit entre l'institution policière, enfin, policière au sens où on le disait au XVIIIe siècle, n'est-ce pas, qui n'était pas exactement le nôtre. Et puis, ça a été fondamental. Et c'est eux, les magistrats, qui n'ont pas cessé de réclamer la suppression de ce système. Et alors, on retrouve le problème dont on avait parlé dans l'impossible prison, et qui est le paradoxe, c'est que, justement, tous les gens qui ont critiqué le système judiciaire, administratif, etc., du XVIIIe siècle, avaient la prison et l'emprisonnement comme cible. Il faut absolument supprimer cette pratique-là. Et c'est pourquoi tous les projets de réforme sont anti-prison, jusqu'à la réforme réelle qui les suit immédiatement, et qui, elle, reconstitue la prison. Alors là, une autre histoire. Oui, mais alors est-ce qu'au niveau des pratiques populaires, finalement, cette procédure de la lettre de cachet pour des raisons familiales n'a pas neutralisé certains des effets de l'image négative de la prison dans ce qu'elle était, attachée par exemple pour les parlementaires à la notion d'arbitraire, de despotisme oriental, d'enfermement secret sans contrôle de la justice. Alors tout ce qui était valeur négative dans ce milieu lettré ou politique entre guillemets n'est peut-être pas transférable sur le niveau populaire, et que la pratique ordinaire d'utiliser l'enfermement pour des conflits familiaux a pu, je me souviens d'une page dans Surveiller Opinion, vous montrer tous les obstacles de l'image, enfin tous les obstacles apportés à la généralisation de la prison par l'imaginaire, tout ce qui était attaché. Oui. Ici, ça ne fonctionne pas. Ici, ça ne fonctionne pas. Et alors là, on aborde le problème de l'idée très curieuse et que l'histoire s'est chargée de démentir, que la prison est correctrice. Et alors là, on le trouve perpétuellement. Et là encore, on voit comment des pratiques, des institutions, des choses qui nous paraissent innovations, dû à des milieux intellectuels ou à des formes de réflexion très, très novatrices, tout ça, on le voit déjà se former dans les réactions des gens. Enfin, la pensée n'est pas le fait des penseurs, et la transformation, pas simplement de la sensibilité ou des sentiments, mais la transformation d'un système de pensée, il faut le saisir dans l'extraordinaire extension qu'elle peut avoir dans le comportement des gens. Les gens ne se conduisent pas sans penser. La maison d'enfermement pour lettres de cachet, un peu propédeutique de ce que sera une certaine prison. Parce que les mots alors qui viennent dans les demandes, c'est souvent pour le but recherché, pénitence, repentir, correction. Puis c'est cette belle expression, rentrer en soi-même. Obtenue par le retrait du monde. Alors, est-ce que c'est pas ça, par rapport à ces lieux d'enfermement que vous avez évoqués, mais qu'il faudrait peut-être décrire d'un mot, qui donne l'unité? Parce que ces lieux d'internement, finalement, ils sont extrêmement divers, ne fût-ce que pour les raisons que Michel Foucault avait signalé, il faut payer, et tout le monde ne peut pas payer la même chose. Donc, il y a des enfermements de première classe et des enfermements... Il y a des 4 étoiles, les fameuses prisons de 4 étoiles, dont on nous rebat les oreilles actuellement, elles existaient. C'était les couvents, généralement. C'était les couvents. Vous avez un long dégradé, Saint-Lazare, c'est déjà pas drôle. Et puis alors, le bas-fond, c'est évidemment Salpêtrière et Bicêtre. Les maisons de l'hôpital général. Ouais. Et dans certaines provinces, des forteresses royales. Alors, qu'est-ce qui unifie quand même cet ensemble? C'est cette catégorie du retrait hors du monde et de l'amendement par la solitude, par le retour sur soi. Je crois que le transit qui a été fait de l'idée chrétienne, de la pratique monastique, de l'emprisonnement en cellule pour le retrait en soi-même, à l'idée laïque de l'emprisonnement correction, le transit s'est fait par cette pratique-là, qui était une pratique institutionnelle et qui était en même temps une pratique non seulement très largement acceptée, mais volontairement utilisée par les gens. Puisque l'objectif avoué était l'obtention du repentir du condamné, est-ce que vous ne pensez pas que quand même ces lieux d'enfermement ont manifesté une certaine efficacité? Car vous citez très peu de cas de demande de réinternement après libération. J'en ai vu quelques-uns. Je ne sais pas si c'est parce que... Il semble bien qu'il y ait eu effectivement un repentir et une amélioration de l'institution. Ça, on ne peut peut-être pas savoir s'il y a eu repentir ou si... D'abord, il y avait des raisons économiques, c'est-à-dire les gens payent quand même 150 livres par an, c'est des gens des classes populaires, 150 livres par an, ça n'est pas rien. Pour être vraiment très très bien, il faut payer 400 livres par an, donc à 150 livres, on est vraiment très mal. Et il y a aussi des gens qui meurent, là. Il y a quelques lettres d'ailleurs de gens perclus de maladies qui disent qu'ils n'en peuvent plus... Bon, et puis il y a aussi ce dont on n'a pas parlé, ce fameux départ pour les îles de ceux qui s'en vont, les garçons qui s'en vont à la Désirade. C'était pas rien non plus de partir là-bas quand on a pu voir les archives. Finalement, les comptes qu'on a pu faire de ces fameux départs sur les îles, là encore, on est victime des contextes littéraires. Oui. À cause de Manon Lescaut, on imagine que. En fait, il y a eu quelques bateaux. Oui, ils sont partis dans tout le XVIIIe siècle pour les îles. Non, je crois qu'il y a ceux qui restaient toute leur vie. Il y a ceux qui sortant devaient fiche le camp et puis on ne les voyait plus. Il y avait ceux aussi pour les garçons qui partaient à l'armée. C'était la grande solution. L'armée comme lieu comme exutoire social au XVIIIe siècle, au XIXe avec les colonies, etc. C'est un phénomène très, très important. Quant à la valeur effectivement correctée, ce qu'on ne les voit pas réinterner, il y a des cadres à internement, ce qu'on ne les voit pas réinterner ne paraît pas prouver forcément qu'ils étaient devenus des enfants sages, des femmes fidèles et des maris non ivrognes. Il aurait fallu suivre leur carrière. Oui. On a quelquefois l'impression que les gens se mordent un peu les doigts du processus qu'ils ont déclenché. Oui. Ils sont un petit peu effrayés de ce qui arrive à ceux qu'ils ont voulu faire enfermer. Là, est-ce qu'on ne retrouve pas la discussion un peu sur l'horizon éducatif, puisqu'il y a une sorte de continuité entre la tâche éducative de la famille dont vous avez montré qu'elle était quand même plus forte et qui, bon, a subi un échec. Alors, on la transfère à un autre pouvoir qui est ce pouvoir d'État, mais comme dans l'école elle-même, en continuant à payer. C'est-à-dire que l'État ne prend jamais, dans le XVIIIe siècle, en charge le coût de l'éducation, que ce soit l'éducation normale des petites écoles, ou, sauf s'il s'agit des protestants, ou des anciens protestants, ou le coût ici de cette rééducation d'enfermement. Mais enfin, il y a transfert d'une sphère éducative à une autre, mais continuité du projet, en quelque sorte. Et si on n'avait pas du tout d'argent, qu'est-ce qui se passait ? Il y avait des internements gratuits. Gratuits, oui. Oui. Parce que dans la correction paternelle au XIXe siècle, vers 1835-36, il était décidé que les parents qui étaient trop pauvres, on prenait les enfants gratuitement. Alors là, il faudrait regarder de plus près, mais il est vraisemblable que quand l'enfermement était gratuit, il fallait que le désordre soit très public et entraîne des conséquences fâcheuses pour le public. Plus les gens étaient prêts à payer, plus des questions d'ordre proprement privé, plus des conflits privés pouvaient être facilement sanctionnés par l'enfermement. Il faudrait regarder. Marquer de bon sens, là, sans plus. Est-ce qu'on sait beaucoup de choses sur ce qui se passait à l'intérieur des lieux d'enfermement ? On ne sait pas beaucoup de choses, en fait, je crois. Nous avions essayé de retrouver... il y a quelques liasses à l'arsenal qui concernent surtout Sainte-Pélagie, où on suit les enfermés et on donne quelques indications sur leur conduite. Nous les avions regardés, mais on ne peut pas dire, c'est simplement un indice. Il y a il y a quand même une proportion qui n'est pas infime, de femmes qui demandent à rester. Il y aurait peut-être quelque chose comme de l'ordre d'une espèce de protection par rapport aux avatars de la vie, mais je ne sais pas s'il faut se lancer là, il n'y a pas assez de choses. Il y avait des inspections dans ces maisons d'enfermement et on a mais c'est très schématique, c'est en effet bonne conduite et toujours dérangé, esprit, l'état de son esprit empire d'année en année, enfin, des choses comme ça, des vagues indications, donc on ne peut pas savoir exactement quelle était la vie et ce qui s'y passait. Mais c'est vrai qu'il y a des cas où les gens demandent à rester. Oui. Nicole Castan avait fait un jour cette remarque que la prison du 18e et ces formes-là n'étaient pas connotées de déshonneur, justement, que ça pouvait être des lieux de protection à certains égards. On le retrouverait dans ce que vous dites là. Peut-être. Il faudrait qu'on aille Oui, il faudrait. Ça me fait penser à un truc que j'entendais tout à l'heure à la radio. On interviewait les gitans, puisqu'il y a une exposition de gitans. J'étais tout de même assez frappé, ému par la phrase d'une femme qui disait « Vous savez, j'ai 84 ans et je n'ai jamais été en prison. » Oui. Et elle disait ça à la fois pour montrer qu'elle était quelqu'un de bien, pour montrer aussi qu'elle avait eu beaucoup de chance, dans la mesure où ça fait totalement partie de la possibilité d'existence. Et donc... les connotations du mot prison là-dedans, n'avoir jamais été en prison, était très ambiguë et très, très intéressante. Il y a une demande dans laquelle quelqu'un est tout à fait, je me souviens plus si c'est le conjoint ou la conjointe, était tout à fait fâché que son conjoint ait été au Châtelet. Et que justement, ça rejoint un peu la marque de Michel. Ce qu'elle veut, ce que veut le demandeur, c'est qu'il soit transféré dans une de ces institutions, de l'hôpital général ou des couvents d'enfermement, parce que ça, c'est pas connoté de manière, ça reste dans cette atmosphère du secret et d'une chose tolérable. Alors que le Châtelet correspondrait à à la valeur prison dans la... D'ailleurs, dans ce texte, il souligne un mari n'aurait jamais pensé à mettre sa femme au Châtelet. Et ça, c'est très, très... C'est ça. Et il y a sur les lieux un autre texte qui est très passionnant, c'est celui où quelqu'un pense que si ça va un peu mieux, on pourra mettre son fils dans le pensionnat des écoles chrétiennes, des frères des écoles chrétiennes à Saint-Thion, dans la maison généraliste. On retrouve là l'horizon pédagogique et éducatif, finalement, qui peut aller depuis l'éducation familiale jusqu'à cette éducation... Mais comment les parents étaient-ils tenus au courant de l'évolution de leur des internés? Il y avait un droit de visite. Ah oui. Oui. C'était pas seulement par des intermédiaires. Mais s'ils voulaient s'en débarrasser, peut-être qu'ils n'y allaient pas si souvent. Pas. Oui, mais il y a des je me souviens des dossiers où on se plaint. Je pense que celui qui est enfermé se plaint de n'avoir jamais reçu de visite, de n'avoir eu aucune nouvelle de sa famille. Si l'enfermement a bien quelques connotations négatives, il faut bien dire que la personne qui demande l'enfermement donne d'elle-même une image positive. Elle donne une image très négative de celui ou celle qui veut faire l'enfermer. Mais c'est bien, ça prouve qu'on est quelqu'un de bien, de moralement concerné par la bonne conduite de son entourage. C'est ça qui se manifeste dans le fait qu'on demande un internement. Donc il n'y a rien de honteux à demander un internement, même si c'est la conduite honteuse de quelqu'un qui provoque l'internement et qui le motive. Oui, surtout à une époque où ça rejoint complètement le processus policier qui est toujours de dire que la tranquillité des familles et l'ordre public sont équivalents, que de la tranquillité des familles naît l'ordre public. Alors il y a une espèce de rencontre entre une demande personnelle et une aspiration toujours manquée de la police. Mais pour revenir d'un mot sur un thème qu'on a évoqué en passant tout à l'heure, est-ce que dans les débats du début du 19e siècle, ils vont instituer l'emprisonnement comme la forme centrale du châtiment légal, est-ce qu'il y a explicitement ou implicitement cette référence à cet aspect positif de l'enfermement et de l'internement par ordre des familles? Entièrement. C'est un des modèles. L'emprisonnement, la justification de cette prison qui donc avait plutôt des connotations négatives dans l'opinion éclairée du XVIIIe siècle, le retournement très brutal qui s'est fait au nom de la valeur corrective. Là au moins, on va pouvoir les dresser. Ça ne cesse de se répercuter tout au long du 19e siècle. Oui. Jusqu'au grand scepticisme de Tocqueville, qui lui n'y croit pas du tout, et introduit un autre type de prison à nouveau. Tous les philanthropes rabattent les oreilles de la notion d'amendement. Les caractères sont à peu près les mêmes. Il y a la possibilité de jouer sur la durée de la peine. Comme vous l'avez décrit pour la prison ici, on s'aperçoit qu'on peut demander le retrait, puis ça peut être variable. Il y a évidemment l'isolement. C'est le travail qui est un peu différent, puisque là, il s'agit, je ne sais pas bien, mais on ne demandait pas un travail... Dans les règlements de l'hôpital général du milieu ou seconde moitié du XVIIe siècle, l'obligation du travail est statutaire, mais tous les textes montrent que pratiquement ça a été abandonné, ça n'est plus rien du tout. Mais le travail dans les prisons a toujours été pratiquement fictif. Comme horizon, c'est le même. Enfin, il y a même horizon de travail, il y a toujours le même principe. Oui. S'ils travaillent, ils vont s'amender. Oui, mais on parle d'isolement. Est-ce qu'ils étaient si isolés que ça à l'intérieur, étant donné les conditions de l'époque, ça devait être un hamas. Et alors justement, comment n'a-t-on pas conçu l'idée qu'il y avait aussi la contagion à l'intérieur, que ces gens, toutes ces mauvaises gens allaient se contaminer, ce qu'on a beaucoup dit plus tard, quand on a voulu introduire la cellule, la prison dans la prison, pour que les gens ne se contaminent plus. Bien, je crois que l'isolement était demandé et obtenu dans ces lieux 4 étoiles. Où on payait cher et où en effet les gens avaient des chambres, mais dans un milieu pauvre, l'idée d'enfermer des gens qui de toute façon vivaient dans une promiscuité totale, un pauvre n'est pas fait pour être seul. C'est dans les forteresses d'État, par exemple en Provence, dans les îles de Lérins, ou dans lorsque ce sont des prisons d'État, comme dirait Mirabeau, comme aurait dit Mirabeau. Alors là, il y avait effectivement un isolement qui était sûrement plus proche de l'isolement pénitentiaire du 19e siècle. Mais dans les couvents ou dans les maisons d'hôpital général, c'est plus près de ce modèle traditionnel de la vie en promiscuité, je pense. Le principe d'un emprisonnement avec isolement pour tous est une idée relativement tardive, tellement elle paraissait chimérique auparavant. Alors, on a le principe benthamien, puis on retrouve ça vers les années 1830-1840, quand on se pose le problème de l'échec de la prison. On dit, c'est qu'il faut que tout le monde soit isolé. La cellule, c'est tout. Autrement, un pauvre, pourquoi un pauvre ne vit pas seul. Mais une question chronologique, est-ce que vous pensez que le système se dérègle à la veille de la Révolution? Parce que là, il y a deux diagnostics un peu contradictoires. Le diagnostic provincial, je crois, aussi bien à Caen qu'avait étudié Jean-Claude Perrault, en Provence, étudié par Emmanuel. Et on a l'impression que ça dure jusqu'à 89, le niveau des demandes ne baisse pas. Alors qu'ici, il y a après les années 60. Alors est-ce que c'est peut-être pas du tout une contradiction de source? Ça serait plutôt peut-être que dans les milieux populaires où l'information, où l'écrit contestataire circule plus, est-ce qu'il n'y aurait pas cette dégradation de l'image du roi? Tout à l'heure, Michel parlait de la figure du roi comme clé de voûte de tout le système. Est-ce qu'elle n'est pas largement entamée dans ses aspects bénéfiques, même à un niveau relativement populaire, dans les trois dernières décennies de l'Ancien Régime, dans les grandes villes? Parce que je pense par exemple à tout ce qu'a montré Robert Danton sur cette circulation quand même intense de pamphlets et de libelles qui ont un axe qui est de désacraliser, de dévaloriser, de montrer justement que le roi, il est dans le domaine de l'arbitraire ou dans le domaine de la souillure. Et est-ce qu'il n'y aurait pas un travail de cette littérature, même sur un niveau relativement populaire, qui viendrait un peu ébrécher le consensus de départ, alors qui pourrait expliquer ce décalage Paris-Provence? Je ne sais pas, c'est une hypothèse, mais il me semble que l'image du roi ne peut pas être considérée la même en 1670 et dans la décennie 1780, surtout dans un milieu comme Paris, où s'il y a une terre d'accueil pour cette littérature désacralisante, c'est bien quand même ce milieu alphabétisé du stock d'informations, de la nouvelle, de la rumeur, ce qui... Alors, je ne sais pas, est-ce qu'on... On peut se demander aussi si cette image dégradée, et là, moi, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, cette image dégradée du roi à la fin du XVIIIe siècle, elle n'atteindrait pas d'abord les commissaires de police eux-mêmes. C'est-à-dire, avant même d'atteindre, c'est une hypothèse, avant même d'atteindre les familles. Parce que dans les textes ou dans leur correspondance qu'on peut retrouver, ils expriment justement une volonté de désintéressement de ces affaires comme n'étant plus d'une part de leur ressort, parce qu'effectivement ils ont beaucoup de travail, mais comme étant l'expression d'un pouvoir quand même trop fort du roi, et que ils ont déjà apparaît une vision de la tâche de l'État un peu divergente, et je me demande si avant que ça atteigne les couches familiales, avant ou en même temps, parce que finalement il y a un tel écho de tels allers-retours entre les commissaires de police et la population, je me demande si c'est pas un des biais, enfin une des façons de répondre. Est-ce que le système que vous avez étudié fonctionne toujours aussi intensément dans les années 80? Ah oui, dans les années 80, sous le noir, ils sont pas à l'arsenal, parce que ça s'arrête en 1960, ça fonctionne à plein, en 1780. À plein, avec, en même temps, dedans, les failles, c'est-à-dire les commissaires disant, nous ne voulons plus faire ce travail, et puis, évidemment, la circulaire de Breteuil, etc., tout l'entourage. Bon, je crois qu'on pourrait peut-être terminer cette discussion en évoquant finalement ce qui est à l'arrière, un arrière-plan du livre, qui n'est jamais dit explicitement, mais qui me semble fondé. C'est une manière de proposer un travail des matériaux historiques qui me paraît d'une grande force, et qui est de montrer que des oppositions sur lesquelles on vit traditionnellement n'ont guère de sens. Il y en a une qui est très immédiate et que l'on trouve dans toute une littérature historique, c'est celle entre l'histoire du quotidien, du vaincu, de l'anonymat, tradition de l'histoire sociale dans plusieurs modalités, ou française ou anglo-saxonne, et puis une autre qui est d'opposer à ce niveau le niveau d'une histoire des représentations, des dispositifs, des normes. Et je crois que le livre là fait absolument une justice absolue, pour rester dans un vocabulaire de la matinée, à ce qu'il y a de complètement faible et absurde dans cette opposition. Le vrai problème étant peut-être, comme vous le montrez, la rencontre des deux. Oui, je crois que au fond à la fois ce qu'on a vu et ce qu'on a voulu faire, c'était un petit peu de traverser tous ces partages. Le partage que vous évoquiez tout à l'instant et qu'il faut, je crois, abolir. Aussi interroger la validité de ce schéma historique et politique qui opposerait la société civile à l'État, alors que là, on ne voit pas un État croître en quelque sorte pour lui-même et s'imposer à la société civile. On voit des allées et venues entre différentes instances de pouvoir, différentes stratégies qui s'emboîtent et s'enchevêtrent les unes les autres. Et je crois que de ce point de vue-là, ces documents sont très intéressants pour revoir ces catégories et la manière dont on les fait jouer. Et puis si vous voulez, et là moi je m'en félicite personnellement beaucoup, c'est la possibilité de travailler entre historien et philosophe au-delà de ces dichotomies et de ces oppositions qui réserveraient les archives aux historiens et les idées aux philosophes. Enfin, si je dis ça, c'est parce que je les ai lus. Et la phrase par laquelle nous commençons notre préface est une phrase authentique écrite par quelqu'un dans ce qu'on appelle un grand journal. Oui, je crois que la rencontre, là, se faisait presque de façon tout à fait naturelle, justement, parce qu'il y avait derrière l'idée que les découpages traditionnels de l'histoire ne correspondaient pas forcément au travail qu'on voulait faire. Et moi, je suis très sensible à la phrase que disait tout à l'heure Michel Foucault, il y a de la pensée partout, et les gens pensent leur conduite, et je crois que pouvoir dire qu'il y a de la pensée partout, ça me paraît extrêmement intéressant, et c'est en ce sens-là qu'une rencontre comme ça pouvait se faire, je crois. C'est à partir de là. Oui, je pense qu'avec Michel Foucault, nous continuons à bousculer des frontières qui, hélas, existent encore beaucoup. Il faut vraiment s'en féliciter. Moi, je trouve que ce livre nous incite à réfléchir aux usages populaires de la pénalité. Et à voir que la justice, l'État, ce n'est pas extérieur aux gens. Il y a ce que les gens pratiquent, en attendent, ce qu'ils cachent à la justice, ce qu'ils lui livrent. Et je pense que pour le 19e siècle, par exemple, il y a un immense travail à faire en ce sens qui peut renouveler complètement l'histoire de la criminalité. Et puis alors, moi, je trouve que tout ce qui est réflexion sur les frontières si difficiles entre le public et le privé, ce livre y apporte beaucoup. Et je pense que Michel Foucault nous aidera beaucoup à réfléchir sur ces problèmes-là, qui vont se poser aux historiens maintenant, qui s'y posent et qu'on ne sait pas toujours bien comment aborder. Oui, le problème étant qu'au-delà de ces, même de la manière dont on peut qualifier les choses, le vrai problème est cette idée de en fait, je crois que c'est un livre à la fois sur l'imposition, l'inculcation de systèmes de valeurs, puisqu'on les voit pénétrer, ou dans tous les sens, Et c'est un livre aussi sur les écarts, puisque jamais un mécanisme idéalement défini et réglé n'est appliqué comme tel. Et c'est toujours, comme disait Michel, un livre sur les appropriations et les usages qui sont toujours, même lorsqu'ils s'y conforment, bien entendu, lorsqu'ils refusent le mécanisme, il y a écart, ça va de soi, mais même lorsqu'ils s'y conforment, veulent l'appréhender et s'en servir, il y a toujours une petite distance ou quelque chose qui fait qu'il y a une sorte de spécificité, de singularité. Et je crois que ça, effectivement, c'est une question qui est posée, mais qui n'est pas proprement historique. Enfin, qui est l'ensemble des gens qui s'intéressent au fonctionnement des sociétés, sur ce rapport entre des décodes qui n'ont de sens que dans l'appropriation et des appropriations qui sont toujours dans un décalage par rapport aux normes auxquelles elles ont besoin de se référer. Je ne sais pas si c'est pour là que le livre va, au-delà du matériau qu'on a essayé d'écrire ce matin, je me parais incité et amené à réfléchir. Antoine Chevalier, à Monseigneur Hérault, lieutenant général de police. Monseigneur, Jeanne Catry représente très humblement à votre grandeur qu'ayant épousé le nommé Antoine Chevalier, compagnon maçon, il y a près de 46 ans, il a toujours donné quelques marques de folie qui ont augmenté d'année en année et que l'on attribue seulement à sa débauche et mauvaise conduite, parce qu'il ne s'est jamais comporté en homme rangé, ayant toujours dépensé au cabaret tout ce qu'il gagnait sans avoir aucun soin de sa famille, ayant toujours vendu les hardes de sa femme et les siennes même pour aller boire au cabaret. Mais, Monseigneur, comme depuis quelques années, cette folie accompagnée de cette mauvaise conduite a augmenté à un tel point que le dit Antoine Chevalier revient souvent à sa maison à toutes sortes d'heures de nuit, tout nu, sans chapeau, sans habit et même sans souliers, qu'il laisse au cabaret pour paiement de sa dépense qu'il fait avec le premier venu, sans qu'il le connaisse, et qu'il fait mille extravagances à la maison, quoique âgé de 74 ans. La suppliante, qui est une pauvre femme réduite à la mendicité par la conduite de son mari, a été conseillée par tous les voisins sous-signés de supplier très respectueusement votre grandeur de vouloir bien avoir la charité de faire enfermer le dit Antoine Chevalier, son mari. C'est la grâce qu'elle ose espérer de votre bonté, Monseigneur, et elle sera obligée de prier le Seigneur pour votre santé et prospérité. Charles Cousin, Pierre Roussette, Jean-Pierre Catry. À Monseigneur le lieutenant général de police. Monseigneur, représente très humblement à votre grandeur Antoine Chevalier, compagnon maçon âgé de 78 ans, qu'au mois d'août 1728, il a été enlevé et conduit à la maison de force de Bicêtre, où il est détenu dans les cachots. De ses ordres, il ose avancer avec confiance que des gens mal intentionnés ont surpris la religion de votre grandeur, puisqu'il a l'avantage d'avoir tenu une conduite irréprochable et dans tous les temps procuré à sa femme et à sa famille la subsistance par son travail. Ces faits sont certifiés par tous ses parents, amis et principaux du quartier et de la rue des Vieilles Tuileries où il demeurait. L'ignominie de l'enlèvement d'un quartier où il a pris naissance et toujours vécu, la solitude et l'horreur des cachots, le grand âge du suppliant, sa bonne conduite lui attirent la compassion de tous, surtout de ses parents. Ses infirmités inséparables de la vieillesse ne lui permettent plus le travail. Ses parents sont hors d'état de lui donner tout le soulagement nécessaire. Il ne peut espérer que quelques douceurs que leur fortune les met en état de lui fournir, mais ils n'en ont point la liberté puisqu'il est dans les cachots et au secret. Dans cette situation, il se jette aux pieds de votre grandeur avec tous ses parents, amis et principaux de son quartier et supplie qu'il vous plaise ordonner qu'il sera mis sur le préau et ordonner la liberté à ses parents de le voir. Ils continueront leurs vœux et prières pour la prospérité et santé de votre grandeur. Louis Deschamps, Raphaël Long, Jacques Sigy, André Sibir, Coussin, Léonard, Delavoye, Gendarme, Cressot, Charles Basile, Delaunay, propriétaire du compagnon employé. À Monseigneur Hérault, lieutenant général de police. Monseigneur, Jeanne Catry représente à votre grandeur que le nommé Antoine Chevalier, son mari, qui est à Bicêtre depuis le mois d'août 1728 à la requête de la suppliante, reconnaissant sa faute et étant très repentant, proteste à la suppliante de vivre jusqu'à la fin de ses jours avec elle dans toute la régularité qu'un honnête homme est obligé de le faire. Si votre grandeur veut bien lui faire la grâce de lui accorder son élargissement, et comme elle est touchée de compassion pour son mari, et qu'elle a lieu d'espérer que le dit chevalier, étant âgé de 75 ans passés, tiendra toutes ses promesses, elle vous supplie très humblement, Monseigneur, de vouloir bien avoir la bonté d'ordonner la sortie du dit chevalier, son mari, afin qu'il puisse finir le peu de jours qu'il a à vivre avec elle. L'un et l'autre redoubleront leurs vœux et prières pour la conservation de votre grandeur. C'était Les Lundis de l'Histoire par Roger Chartier. Michel Foucault et Arlette Farge présentaient leur ouvrage Le désordre des familles, lettres de cachet des archives de la Bastille au XVIIIe siècle, dans une émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 janvier 1983. Vous pouvez la réécouter ou la télécharger sur le site de France Culture ou encore sur l'application Radio France. Vous aimez ce podcast ? Avec l'application Radio France, retrouvez l'intégralité des épisodes et toutes les émissions et podcasts des chaînes de Radio France.